répéter les mots vulgaires et grossiers de ces folles déchaînées. Quelques-unes ont dans les mains des piques et des fourches à foin, et puis elles chantent, ça ira. Votre Majesté, si elle voulait bien, pourrait se montrer au balcon aérien que quelques instants pour calmer ces gens. Si je ne crois guère à cette solution, il vaudrait mieux faire donner le canon. On dirait alors si elle chante encore plus fort à la fenêtre. Je n'irai point et je n'ai du canon aucun besoin. Dites-leur de rebrousser chemin, mais qu'on leur donne du pain et du vin avant de repartir. Sire, donnez-leur un peu d'espoir, tant qu'il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez faire un peu de frais, cette nouvelle société dont il rêve, dont il rêve. Dites-leur de rebrousser chemin, mais qu'on leur donne du pain et du vin avant de repartir.